Talanga na misonga la moko na tambo. nga moko te mieux na sala kana nga mote ma sans souci na bima na tongo na songa na pokwa pota kutu na gaite na sala kamonyo selingi toto pona eba kite mota kutu ni sanga ite kasi oye o baby singa toto mama na moni yo na komizoba poteme tingi na linga yo na kotisi nzoto na bapasio pasi ya lolango mama ekome linga etumbu okoloba na ngai natika e soki pasi eleki mama kosala na kote eseli pote oyebi likambo liango soki ekomi na esika wana mwae kaka te batika ye sheri ani ye yaka tosala libota na boyotamwisangai moto supansa bomwana nandima te na bandise koeme sheri ani ye yaka tosala libota na moyo tambwisangai moto supansa bomwana nandima te na bandise koeme balobaka na yo e likambo alibala pasi awa kosi ozwi okoloba na ngai natika e soki pasi eleki mama kosala na kote eseli pote oyebi likambo liango soki ekomi na esika wana mwae kaka te batika ye sheri ani ye yaka tosala libota na boyo tamwisangai moto supansa bomwana nandima te na bandise koeme sheri ani ye yaka tosala libota na boyo tamwisangai moto supansa bomwana nandima te na bandise koeme. Alors bien. Ani ani ye o baby singa motema oho natuna nani ye nakomi susi susi oho nasala nini ye nakotisi zuwa na motema likambo na inaki yeyelangai likambo na lapaki ekomelanga te ekomelingai ani ani ye o baby singa motema oho natuna nani ye nakomi susi susi oho nasala nini ye nakotisi zuwa na motema likambo na inaki eyelangai likambo na lapaki ekomelanga te ekomelingai ekomelinga lelo yonga la pasi ye yeba yina ye mponanga nga batonganga mpona ye tokobanda ye tokoyokane ani ani ye opebi singa motema oho natuna nani ye nakomi susi susi oho nasala nini ye nakotisi zuwa na motema likambo na inaki yeyelangai likambo na lapaki ekomelanga te ekomelingai ani ani ye mama onazala nanga lokola papi mwana moke o bapasi alambula yebaka te oyo plaisir kala dimi bapasi mama na boya ntina nini ya saleme ani ani ye opebi singa motema oho natuna nani ye nakomi susi susi oho na motema likambona inaki eye langai likambona lapaki ekomelanga te komelingai ani ani ye mama ola zala nanga lokola Eric mwana mokeo papa zala mbula ye bakate oyo plaisir kala dibi papa di mama na boya tina nini yo ya joye ani ani ye o baby singa motema oho na tuna nini ye na komi susi susi oho na sala nini ye na koti sisu wana motema likambo na inaki yeye langai likambo na lapaki ekomelanga te komelingai Zela kika kanali gayo Oye banana bato seli Elena kamoke la kodi mate Manso ekole kalelo Na miso ya bato Ah, oma o Sana kia wa Baeba kiyote Noe pananga Poko mi mwasi ya suse Baya mise mi makana tina Yo princesse nanga Ah, oh yeah, yeah Poko mi mwasi ya suse Baya mise mi makana tina Kiyoko police kioko. Sita ele longolanga susioko. Degla l'amour, il n'y a pas de limite. Koela basi, ezali le passé. Zoto na gaya kongono. Na boi mindondo, zelo na yelo bitanga. Na police kioko. Motema pena sina pesa mama, como na yo na tanga na baby. Dambe akela yo seli, apona solo mokolo ya bopemi. Olingo eko mina suka, tina nini na bomba. Nakolinga yo sheri foncia, nako pesa motema sembala moko. Boyo bako senginya yo totika na pasi ya pamba yangana yo selibala. Na sala suwa senatina, bote oyo na lingite toka bolangai na moto. Na sala suwa senatina, kitoko oyo ndambe atinde langai na se. Yo nangono maria boko kani. Show! Show! Ma fonsine mama lobela ngai nini ye o sala ngai bona koma so baboye yo yo bona zanga chama loba obiso na yo mama fonsine mama lobela ngai nini ye o sala ngai bona koma so baboye yo yo bona zanga chama loba obiso na yo. Na beli bongo mama, oh mama. Na koti chikumbi ye, tambe oseli ye. Yaka obiki sangai na pati oyo. Yaka olongo langai motete ya basu France, otike langai ye. Alponsine ye. Mama Fonsine mama, lobe langai nini ye. Osa langai, bona koma zoba boye. Yo yo ye ye ye. Bona zanga chama loba, obiso na yo. Oh, ngala zangi maloba, oh mama. Ah, ponton la belle. Ngala bangi koloba na yo. Agata. Oh, tianga wapi, oh mama. Oh, salanga nini oseli. Eh. Oh, le sanga nini, mama. Makita tale langa likambo yo. Ngai wa yo mwana la bandiko minyo kwa ma mwasio ya tambu isinga imoto mama na yebite Na loba nini seli la komidenge Yaka uobiki sanga ila pasi hoyo Yaka uolongo langa imotete ya basusi okumbi sanga ye Ah, selie Mama fonsina mama lobe langai nini ye Osa langai bona koma soba boye Yo yo Bona zanga chama loba omiso na yo Show! Show! Ebongo, est-ce que l'Ikamango est à Lyon? La main! Wabi Monica! Mama loberangai nini ye osalangai bona koma soba boye yo yo bona zanga chama loba omiso na yo ngala zangi maloba o mama ngala bangi koloba na yo osalangai nini oteli mukata molangi o tianga wapi o mama kocho kocho osalangai nini Yaka uobiki sanga ila pati hoyo Yaka uolongo langa imotete ya basu kwansu otike langa ye Aselie Mama fonsine mama lobe langa inini ye Osa langa bona koma soba boye Yo yo bona zanga chama loba omiso na yo Nabeli bongo mama Nabeli bongo mama Mwana te Nakoti tikumbie Ofosia Napako lingola na nzotoe Kobi malanga ekomi ya soni mama la ve tu bila munuwe singe zo la ve sondi la munu mama o bangi me zo la ke zo la yanyo singe zo la ve tu bila munu mama ah selie mama fonsine mama lo bela ngai nini ye o sala ngai bona koma zo baboye yo yo eh Bona zanga chamaloba, obiso na yo. Jericho, oya ya ya, sukisa. Sama na ndenge moliko José na simo te manga na yo toko banda o makango e kubama oyo kisanga sonite okoluka sena beba na kalibela mitema mipeta mama mama mama José da Timote Makai na yo koko bata o Imakango e kubama Oyo kisanga sonite Okoluka sena beba na kalibela Nandoto na koleka Mama o mama Mose mamoko beta Mama o mama Nako banga doki yo yeko boka na kai Sono Pongo lange fujeka kase pota yo José na Timote Makai na yo toko banda o Imakango e kubama Oyo kisanga sonite Okoluka sena beba na kalibela Mama pesama na ndenga bolingo José na timote mangai na yo toko banda o makango ekubama oyo kisanga solite okoluka se na beba na galibela changé, papi, a changé, Céli, a changé, Kongoulou, a changé, papi, a changé, Céli, a changé, Mobali a commis à Basignonso, à Kotala Nyonso, à Kedena Nuna Bokae, à Tunana Papotie, Sokili Soumali et Linga Maman. A changé, papi, a changé, Céli, a changé, Mobali a commis vos boulots. A changé, papi, a changé, Céli, a changé, Mobali a commis à Basignonso. Oh, Lingona, tout est la quitole, Soki na kanisi va dépense, Roger a beau ingaye. Oh, as-tu mon salaire à qui on parle? A changé, papi, a changé, Céli, a changé, mon bali a commis mon boulot. A changé, papi, a changé, Céli, a changé, mon bali a commis à Bassignon Soleil. A l'indé dans la chérie à Boubaka, qui était la vie à Sikaé. So qui était pampankyo, n'a beaucoup pas pampaé. A changé, papi, a changé, Céli, a changé, Mobali a commis mon boulot. A changé, papi, a changé, Céli, a changé, Mobali a commis à Bassignon Soleil. Le panga est paillé à Chegan Poul, à Bongisanga. Na kene nanga kopina e loketo shona babantu. A changé, papi, a changé, Céli, a changé, Mobali a komi bomulu. A changé, papi, a changé, Céli, a changé, Mobali a komi a Bassignon Soleil. Longola gamba susi abu. Na kosi lae zongi sanga heureuse Olanda boyo bapiola kate. A changé, papi, a changé, Céli, a changé, Mobali a commis mon boulot. A changé, papi, a changé, Céli, a changé, Mobali a commis à Bassignon Soleil. A changé, Céli, a changé, Mobali a commis mon boulot. A changé, papi, a changé, Sémi, a changé, mon bali a commis à Bassignon Soé. Ave Cantinelli au foyer de l'imprimerie nationale. Yambanga uli, ozali destiné na kaya seko. kana yo makwela mama awa okangi motema yangana yo makwela mama awa obateli libeko soko roya babi watama soko bangi saka boye sheri nangai lobela gaboni loba mpona eva yo destine nangai nalinga kako yoka yotela masolo mama ye eko sala kangai pasi na motema ye batela mibeko ho mwana mama wilio ho mama na dani nalingi yo wilie wilie wilie wili nangai na soto ho ya mabi watama soko bangisaka boye sheri nangai Chérie, chérie Nanga, la salimonso mama poto bandae, Bilobela yabato kolanda teseli, Willi oh samalingi, oh Willi, Willi eh, Willi eh, Willi eh, Willi Nanga. Soko roya babi watama Soko bangi saka boye sheri nangai Lobela nga mwani loba pona eva yo desine nangai Babu beu Cinema pe ba pikiniki Denge to sekana kina vakanso yo Solo na keina ma wanangai Na kosambela nzambe po abatela miso Poto kutana Tango moke mama fiuti Oye singali poma Tokola na kufa mokolo wana topesa na ki au revoir elili na ye kolanda ngai bipai miso ozali kaka se mosika ya miso mama kasi na motema ozali pene na ngai Ozali pene na ngai, ozali pene na ngai, chéri na ngai, Paola. Di chéri Paola, tongo etani mokili molamuki, oningi singa pona longwa na pongi, okatelinga ndoto. Di chéri Paola, malili ya tongo lokola hiver na poto. Bala fongoli miso pe Natali, ozali pene na ngai, ozali pene na ngai, ozali pene na ngai, chéri na ngai, Paola. Mama, kaka na kata butu na yoki mongongo na yo mama. Na kanisa keza la kika kandoto, na kamati loboko na yo na zili kolo ya mote manangai. Mami Paola osalinga suka ya surprise na yoki, bonjour chéri. Chéri Paola, oye tango nini mama. Kaka la kata butu na yoki, mongongo na yo mama. Kanisa keza la kika kandoto La kamati loboko na yo natili kolo ya mote manangai Mami Paola osalinga suka ya surprise Kaka la tongo tango na la muki na yoki Bonjour chéri Bonjour chéri Bonjour chéri. Bonjour chéri. Yoka mondule wana. Oyebi nenga okobina. Bina yango lokola tebola. Soki bro lingi Boko kiko bina loko ya kira mpu Tata Igore Oyoki mondule wana Braza kiese mama Paola, ngai na lingi yo. Querida Paola, mini puzololo. Querida Paola, nijigino. Querida Paola, munu mezolange. Querida Paola, benziwe. Querida Paola, ngai na lingi yo. Querida Paola, mini puzololo. Querida Paola, nijigino. Querida Paola, munu mezolange. Querida Paola, menziwe. Marie-Jeanne, maman, oh Marie-Jeanne, tu m'avais trompé depuis pour amour. Oh Marie-Jeanne, maman. Oh Marie-Jeanne, tu m'avais trompé depuis fougue amour. Tu m'avais dit que tu étais en grossesse. Oh que c'était le mensonge. Tu m'avais dit que tu étais en grossesse. Oh que c'était le mensonge. Vraiment tu m'as trompé. Oh Marie-Jeanne, pourquoi tu m'as trompé? 15 mois de grossesse, moi pas vu bébé. 15 mois de grossesse, moi pas vu bébé. Tu as mis la cuvette sur le ventre, trompez-moi devant tous les amis. Tu as mis la cuvette sur le ventre, trompez-moi devant tous les amis de mon quartier. Marie-Jeanne, 15 mois de grossesse. C'est où l'immanquille et moi. Oh Marie-Jeanne, maman. Oh Marie-Jeanne, tu m'avais trompé depuis pour amour. Oh Marie-Jeanne, maman. Oh Marie-Jeanne, tu m'avais trompé depuis pour amour. Tu m'avais dit que tu étais en grossesse. Oh que c'était le mensonge. Tu m'avais dit que tu étais en grossesse. Oh que c'était le mensonge. Vraiment tu m'as trompé. Oh Marie-Jeanne, pourquoi tu m'as trompé? 15 mois de grossesse, moi pas vu bébé. 15 mois de grossesse, moi pas vu bébé. Tu as mis la cuvette sur le ventre, trompez-moi devant tous les amis. Tu as mis la cuvette sur le ventre, trompez-moi devant tous les amis de mon quartier. Tu m'as fait la honte, maman. Tu m'as fait la honte. Tu m'as fait la honte, maman, tu n'aimes que les professeurs. Tu ne m'aimes plus, oh maman, vraiment tu m'as refusé. Tu viens de me dire que monsieur Oko t'a donné le PMG et monsieur Samba t'a donné le PAM. Tu m'appelles la honte, maman, tu m'appelles la honte. Tu m'appelles la honte, maman, tu n'aimes que les professeurs. Tu ne m'aimes plus, oh maman, vraiment tu m'as refusé. Tu viens de me dire. Le monsieur t'a dit, t'a donné le PMG. Et monsieur Itoua, t'a donné le PAM. surprise. Tu m'appelles à hanter. Tu m'appelles à hanter, maman. Tu n'aimes que les professeurs. Tu ne m'aimes plus, oh maman. Vraiment, tu m'as refusé. Tu m'appelles à hanter, maman. Tu m'appelles à hanter. Tu m'appelles à hanter, maman, tu n'aimes que les professeurs. Tu ne m'aimes plus, oh maman, vraiment tu m'as refusé. Solo mae buina la gaya monteba, bolingo e tumbo komi bongo. Sola bae toi ma préférée. Sola bae mwida nanga ya motema. Bolingo etumbu ya la vie. Sola na komi bongo. Bolingo et tumbu ya la vie, sola na komi bongo. Sola chérie bolingo na baby toto mama na koni na basusi mbona la mulube longolanga na pole oyo mwana mama bolingo pasio sola sola mama sola kaina poni yo bolingo sola kaina poni yo bolingo. Nala kuba jangae, epa ya tansi na beti. Nala kuba jangae, epa ya tonto lusolo. Nala kuba jangae, epa ya yaya mapele. Nala kuba jangae, epa ya shiri pomika. Solae, naena poni yo bolingoro. Solae, sola sola ma Sola sheri bolingo na baby zoto mama. Na koni na basusi mbona la mulube longolanga na pole oyo mwana mama bolingo pasio sola sola mama sola kaina poni yo bolingo sola kaina poni yo bolingo kanisa tangonga na yo tosala ti sola mae na ganda mapoke epa ya tontine antu. Nanganda ma poke, epa ya chéri Isiae. Nanganda ma poke, epa ya chéri Mibie. Nanganda ma poke, epa ya tonto Rogéo. Solae, kaina poni yo bolingoro. Solae, sola sola ma Sola chéri bolingo na baby toto mama. Na koni na basusi mpona la mulube. Longolanga na pole oyo, sola sola mae. Kanisa tangonga na yo to salaki, sola mae. Nala kuba jangae, epa ya tansi ne beti. Nala kuba jangae, epa ya tonto lusolo. Nala kuba jangae, epa ya yaya mapele. Nala kuba jangae, epa ya chéri Bobika. Solae, kaina poni yo bolingo. Solae, sola sola ma Sol sol sol sol. Sol sol sol. Sol sol sol sol. Sola ma Sola chéri bolingo na baby toto mama. Na koni na basusi mpona la mulube. Longolanga na pole oyo mwana mama bolingo pasio. Thank you. chérie bolingo na baby zoto mama na koni na basusi pona la mulu he longola nga na pole oyo pona mama bolingo basio sola sola mama sola gaina poni yo bolingo sola gaina poni yo bolingo kanisa tango nga na yo to sala ki sola ma Nala kuba tianga e pa chéri kabako Nala kuba tianga e pa chéri di poula Nala kuba tianga e pa toto e doe Nala kuba tianga e pa chéri askoe Nala kuba tianga e pa chéri rigie E solae gaina poni o bolingo E solae sola sola ma e Sola chéri bolingo na baby toto mama Na koni na basusi mpona la mulu he Longolanga na bwale oyo Mwana mama bolingo basio Toto, lelo lelo yo komi mobali ya basinyoso yeba pasi na mona pona kosalisa yo gigi ngai makina mabe kende oswa bomengo ozali koluka okoyeba na nsima basi ya mokili mokolo ezali okosenga na ye parado seya thank you. Jilianto Kaluana kandise kwe bapese Bakala bukana suka Keto talafoti siti lomba lembo Keto bukana suka Bakala talafoti siti lomba lembo Gati biba vya bambu kamusi Longo pe la singana Longo pe la singana Samamba kumani mani mama tama kwenda kani muntu utana bwati bisi mbwa wasaya dawi sana kapeto mwana mama pasi zange ya nizameno dawi sana kapeto mwana mama meno waku nigeti kijini bibunguti kabia bungula muntu yangi bini Saka fula chite to kwidi kumbombitia Dawi sana kapweto mwana mama Pasi zange ya nizameno Dawi sana kapweto mwana mama Meno waku nigeti kijini Bibunguti kabia bungula munto yangi beni Saka fula chite to kwidi kumbombitia Dawi sana kapweto mwana mama Mwana mama Pasi zange ya nizameno Dawi sana kapweto mwana mama Meno waku nigeti kijini Dawi sana kapweto mwana mama Pasi zange ya la vula, tu t'es tout, puis dit qu'on m'obtient.